Maintenant, on va Al-Bukhari. Cheikh Abdallah Al-Bukhari, en vérité, mes frères et mes sœurs, Wallahi, je ne le connais pas. Il ne faut pas le rendre un grand savant. C'est peut-être un palébim ou un petit savant de Médina qui a eu fait son doctorat il n'y a pas longtemps. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Et je ne sais pas qui c'est. Seulement, j'entends parler de lui, il est parti, il est parlé en France. Moi, ce que je connais, c'est les kibar ulama. J'ai étudié chez les kibar, alhamdoulilah. Je n'ai jamais étudié chez un palébim ou les petits savants. J'ai étudié chez Cheikh Rabir, chez Cheikh Mohamed Mouhadi, chez Cheikh Ubejabi, chez Salah Saimi. C'est cela que je connais bien là-bas. Bon, celui-là, et Cheikh Abbas, je connais bien, celui-là, c'est dans Kibar Ulama. Celui-là, je ne le connais pas. Maintenant, vous dites, vous, que lui, il fait tahdir contre moi. Awel Shi, moi, j'ai dit au frère, où il fait tahdir? Il y a une cassette? Il m'a dit, non, il ne nous a pas amené de cassette. Amène-moi déjà la cassette, où il fait tahdir? Moi, je n'ai jamais entendu qu'il faisait tahdir. Ni ici à Mecca, ni à Médina, il n'y a qu'en France qui dit ça. Et deuxièmement, s'il fait tahdir, va frapper chez lui, va lui dire, pourquoi tu fais tahdir sur Péril? Si toi, tu arrives à me prouver maintenant qu'il fait tahdir contre moi, moi, je ne vais pas aller le voir, moi. Moi, je ne perds pas mon temps et je ne vais pas perdre le temps à Cheikh Abdallah Al-Bukhari parce qu'il est occupé. Je ne vais pas lui faire perdre son temps à aller le voir. Mais si toi, tu me dis qu'il fait tahdir et t'es fiqa, et tu m'amènes les preuves qu'il fait tahdir, wallah, je vais à Médina et moi, je frappe chez lui. Et je vais lui demander, c'est vrai que tu fais tahdir contre moi, ou sinon, avec de plus meilleures manières et un fil plus... Il y en a un fil plus fort qui va arriver plus vite. Je vais voir Cheikh Rabia. Wallah, si vous le pouvez, je vais voir Cheikh Rabia, je vais dire à Cheikh Abdallah Al-Bukhari fait tahdir contre moi. Il faut que tu voyes avec lui. Et Inch'Allah, Cheikh, il va voir avec lui. Il va nous mettre en face. Mais jusqu'à maintenant, je n'ai pas entendu ça. J'ai entendu que le pays local en France.